une histoire si banale, vraiment si peu originale, que je ne sais pas pourquoi en vérité on me l'a fait toujours répéter. Lison, c'était plus qu'une copine, c'était pour moi presque une frangine, mais l'aventure tient en quelques mots concis et l'on peut la résumer ainsi. La blonde et la brune s'entendaient depuis toujours, l'amour en fortune, tout ça est simple comme bonjour. Car un beau jour il est venu un gars dont les grands yeux étaient pleins de tendresse, mais elle était bien plus belle que moi, et c'est la blonde qui fut sa maîtresse. C'est une histoire si banale, elle n'est guère originale. À travers un voile de fleurs dans les yeux, je les ai vus partir tous les deux. Chacun disait qu'elle était belle, ses mots comme une ritournelle, dansait dans ma tête et qui danse depuis, entendait venir pour jour et nuit. La blonde et la brune, jadis riaient de l'amour, l'amour en fortune, tout ça est simple comme bonjour. Le gars parti et la fille avec lui, je suis restée avec pour seul ami. Ma lourde peine et chaque jour l'ennui emplit mon cœur et pleure sur ma vie. Mon Dieu, que l'histoire est banale et qu'elle est peu originale. Ça finirait là qu'on n'en parlerait plus, mais le hasard ne l'a pas voulu. Chacun disait qu'elle était belle en l'obsédante ritournelle. Alors quand je l'ai vue toute seule au fond du bois, mais tout ça ne regarde que moi. La blonde et la brune sont séparées pour toujours, il n'en reste qu'une. Tout ça est simple comme bonjour.